créateur souverain. Mais mon péché nous empêche d'être ensemble. Tu endureras une grande honte pour sauver l'homme corrompu. Qui peut comprendre? Tu voyages sur une route sans de larmes, endurant la souffrance des mois, des années. Tu amènes à tout ton amour sur nous. Tu partages les t'être loyal et pour